Miss Fairchild, avec l'aimable autorisation de l'auteur Nolwenn Ivy. Lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. Les poupées jouent de la musique, mais elles ne peuvent entendre ce qu'elles jouent. Elles dansent, mais elles n'ont pas plaisir à danser. Théodore Rossac. Comme elle est mignonne, cette petite fille. On aurait envie de croquer ses belles joues roses, de se perdre dans la verdure de ses grands yeux et de coiffer sans fin ses longs cheveux bruns. Une vraie petite merveille. Vous n'imaginez pas à quel point je vous envie. Je me souviens que papa et maman s'étaient gonflés d'orgueil à ces mots. Mon enfer a fait la une des journaux locaux et nationaux pendant des semaines. Les journalistes voulaient un titre percutant. Ils l'ont appelé « La tragédie d'Elwood ». Elwood, petite bourgade perdue dans la campagne anglaise. Un village à l'allure parfaite, au gazon parfaitement tondu et aux haies symétriques. Les maisons aux volets bleus s'accumulent sur le bord de l'unique route qui traverse le village. Tout le monde se connaît et se déteste en silence. L'ennui fait perdre la notion du temps. Ceux qui pouvaient fuir ce lieu sinistre sont partis depuis bien longtemps. Les autres sont résignés à y finir leurs mornes existences. Quelques voitures traversent parfois Elwood, mais aucune ne s'y arrête, hormis pour faire le plein de temps à autre. Le pub Mimi's, unique attraction du coin, ne s'anime que par la présence de quelques vieillards aigris qui y ruminent leur solitude. Pendant quelques mois, grâce à la tragédie d'Elwood, la ville a bénéficié d'un sursaut de popularité. Des touristes égarés ou des amateurs de sensations morbides ont voulu voir de leurs propres yeux les stigmates de l'horreur et entendre les versions toujours plus exagérées des habitants. Tous avaient leur propre interprétation, mais aucune ne reflétait le moins du monde la réalité. J'étais tantôt une psychotique sanguinaire, tantôt une névrosée possédée par le démon, ou encore une petite fille victime de sévices horribles qui se serait vengée de ses bourreaux. Les rumeurs et les spéculations allaient bon train. Qu'importe la vérité. L'important était d'entretenir le mythe afin de rester sous le feu des projecteurs le plus longtemps possible. La ville n'avait jamais été aussi animée. On parlait de nous dans toute l'Angleterre. Le maire n'espérait plus une telle aubaine. Il pensait que cet intérêt, même malsain, pousserait certaines personnes à s'installer à Elwood et à racheter des maisons laissées à l'abandon. Il voyait grand. Il imaginait même l'ouverture de nouveaux commerces. Malheureusement pour lui, les amateurs d'horreur et de sensationnel se sont lassés. Cette histoire a fini par ne plus intéresser personne. Les médias ne tardèrent donc pas à se jeter comme des loups affamés sur d'autres affaires, bien plus croustillantes, et Elwood retomba dans son anonymat moribond. Après tout, ce n'était qu'un accident regrettable, un incendie qui laissait une petite fille orpheline. Tante Agathe supporta mal cette soudaine notoriété. Elle regretta vite la tranquillité qui régissait sa vie et ne cessait de me reprocher cette surexposition médiatique. Ces fouilles-merdes prenaient un malin plaisir à fouiner dans sa vie privée pour rendre leurs articles plus sensationnels. Son alcoolisme notoire et ses mœurs légères avaient été affichés au grand jour. Je suis convaincue qu'elle pleurait plus pour les moqueries dont elle faisait l'objet que pour la disparition de sa sœur aînée. Elle ne cessait de hurler du matin au soir qu'elle se débarrasserait de moi dès que l'occasion se présenterait. Les journaux ont fini par nous oublier. Hélas, il n'en va pas de même des habitants. Ces hyènes ne lâchent pas le boudos tant qu'il n'est pas totalement rongé. Tante Agathe est fermement décidée à m'éloigner pour retrouver sa petite existence égoïste. Un étrange appel téléphonique en pleine nuit scelle mon destin. Caché dans l'embrasure de la porte, je saisis le mot au vol « adoption ». Quelques jours plus tard, alors que je n'y pense plus, Agathe, sans prévenir, prépare ma valise et m'annonce son ménagement. Il est temps que tu partes de ma maison. » Je beau pleurer toutes les larmes de mon corps, lui promettre que je serai une petite fille parfaite, rien ne l'a fait changer d'avis. Je suis un boulet bien trop pesant pour une femme qui n'a d'autre souci dans la vie que ses bouteilles de gnôle et ses amants de passage. Elle me traîne sans ménagement jusqu'à la voiture et m'enferme à l'arrière. Je ne cesse de hurler et de pleurer, mais elle m'ignore et feint même d'oublier jusqu'à mon existence. La fatigue finit par m'assommer et le marchand de sable a déjà fait son œuvre quand nous quittons le comté d'Elwood pour nous diriger vers la grande ville. Les chemins éventrés laissent place aux routes goudronnées, puis à l'autoroute. De hauts bâtiments modernes remplacent les maisons ternes et tristes. Cependant, je ne vois rien de tout cela. Je me réveille d'une claque sur la tête. « Nous arrivons. Tente de retrouver une mine fraîche et sois agréable, veux-tu ? » Je mets quelques secondes à émerger et colle mon visage contre la vitre. Tante Agathe vient de tourner à un carrefour. Nous roulons dans une allée bordée d'immenses frênes. Ils perdent déjà leurs feuilles à l'approche de l'automne. Leur nudité leur donne une allure à la fois inquiétante et majestueuse. Je rêvasse et me plonge dans un monde de contes de fées. « Arrête tes songeries, nous sommes arrivés. Souris et montre-toi poli. » Ces mots retentissent comme si une aiguille imaginaire explosait la bulle de mes rêveries enfantines. À nouveau, je vais fondre en larmes. Mais une petite gifle vicieuse m'en dissuade sur le champ. J'essuie, d'un revers de la main, les larmes de colère qui commencent à couler. Je finis par obtempérer et descends du véhicule. Devant nous se dresse un grand édifice qui ressemble à une demeure du XVIIe siècle. Ce château aux couleurs un peu ternies, patiné par les intempéries, semble malgré tout n'avoir rien perdu de sa splendeur. Il ressemble à un roi assis sur son trône, veillant sur des terres qui s'étendent des lieux à la ronde. Ses fenêtres, trop nombreuses pour les compter, me dévisagent tels les yeux d'une araignée à l'affût d'une proie. Une alarme retentit dans ma tête. « Ceux qui entrent ici n'en ressortent jamais », semble-t-elle me dire. J'agrippe la main de tante Agathe pour me rassurer. Elle la secoue violemment pour me faire lâcher prise et se contente de passer ses doigts dans mes boucles brunes pour redonner meilleure allure à ma coiffure. Une vieille dame apparaît dans l'embrasure de la porte immense. Elle nous observe longuement et finit par sourire, dévoilant un dentier d'une blancheur déconcertante. Une solide barrette maintient sa chevelure poivre et sel. D'ailleurs, le vent pourtant soutenu n'en dérange pas une seule mèche. Sa tenue évoque la noblesse du XVIIIe siècle. Une robe de courtisane en soie blanche que sa peau fanée n'arrive plus à mettre en valeur. Je ne peux retenir un rire. Peut-être se rend-elle à un bal costumé ? Cela justifierait cette tenue anachronique. Tante Agathe me met une petite claque derrière le crâne pour me faire ravaler ce rire déplacé. La vieille dame se trouve à quelques pas de nous, je peux voir ses yeux gris pleins de malice. Son visage ne me semble pas inconnu, comme un souvenir coincé dans ma mémoire. Elle me tend une main glacée que je serre par politesse, non sans réticence. J'ai une étrange impression, comme si quelque chose de malsain tentait de s'infiltrer en moi par ce simple contact. « Elle est magnifique, une vraie merveille, » dit-elle en me pinçant la joue. « Bonjour, jeune enfant, je suis Miss Fairchild. » Miss Fairchild, un nom désuet qui cadre bien avec le personnage. J'ai comme un flash. Comme elle est mignonne, cette petite fille. On a envie de croquer ses belles joues roses, de se perdre dans la verdure de ses grands yeux verts et coiffer sans fin ses longs cheveux bruns. Une vraie petite merveille. Vous n'imaginez pas à quel point je vous envie. Cette voix. C'est l'heure du goûter. Tu devrais rejoindre les autres pendant que je discute avec ta tante. Je n'ai pas le temps de montrer mon désaccord, elle enchaîne aussitôt. Maïtena va t'emmener, tu risquerais de te perdre, dit-elle en me poussant doucement, mais fermement, vers la porte d'où elle est apparue. des murs roses bonbons, un parfum d'ambiance sucrée, du mobilier de maison de poupée. Tout est froufrou et dentelle. Miss Maïtena, elle tient à ce que je l'appelle ainsi, se fond dans le décor. Une robe de bonne facture, un joli nœud dans le dos et un chignon roux, strict mais joliment fait. Elle doit avoir une bonne vingtaine d'années, mais en paraît 5 de moins. Seul son visage parsemé de taches de rousseur trahit son âge réel. Elle me conduit dans une petite salle un peu bruyante où goûtent une vingtaine de petites filles. Cette vision me rappelle étrangement les dînettes que je préparais avec mes poupées et mes peluches. Toutes ces petites filles sont à la fois identiques et différentes. Elles portent des petites robes de princesse, des couettes nouées avec des rubans roses, des souliers noirs vernis et un maquillage outrancier qui rend leur visage un peu grotesque. Elles se tournent de concert dans ma direction. Mesdemoiselles, voici Miss Emma. Elle prendra le goûter avec vous, et j'espère que vous saurez l'accueillir comme il se doit. Quelques rires et chuchotements se font entendre. Des regards suspicieux ou interrogateurs suivent ma progression. Miss Maïtena me demande de m'asseoir sur la seule chaise libre et retourne à ses fourneaux. Je ne sais comment agir face à toutes ces inconnues qui me dévorent des yeux. Par politesse ou désintérêt, elles finissent par retourner à leur thé et leurs biscuits secs, comme si je faisais désormais partie du décor. Leur étrange attitude me convient parfaitement, car elle m'évite de devoir tenir une conversation que je ne souhaite pas. Soudain, un silence de mort s'abat sur la pièce. Toutes se retournent vers Miss Fairchild qui vient d'entrer. Elle se lève dans un même mouvement. Je les imite, un peu intriguée par cet étrange cérémonial. Elles se rassaillent uniquement lorsque Miss Fairchild le leur permet. Je reste seule debout, omnubilée par ma grande valise noire posée à ses pieds. Je m'entends hurler. « Non !» Je ne prends pas le temps de réfléchir. Je me précipite à travers le dédale des couloirs vers la grande porte par laquelle je suis arrivée. Le grand parc du manoir m'apparaît enfin, désert. Je réalise que Tante Agathe m'a abandonnée là, sans aucun scrupule. Je cours jusqu'à ce que mes jambes me trahissent. Je m'effondre contre un arbre, perdu au milieu des bois, complètement désorienté. Des larmes noient mon visage. Je pleure longtemps, seul en ce lieu. Je n'arrive pas à y croire. Elle m'a abandonnée. À croire que le destin s'acharne contre moi. À quoi bon pleurer ? Personne ne t'entend ici. Cette petite voix douce me sort de mes sombres pensées. Elles sont trois. Trois petites filles, debout devant moi, en train de m'observer. Nous sommes partis te chercher avant qu'elle n'envoie les chiens. Rentrons, sinon elle va se mettre en colère, me dit la plus jeune, blonde comme les blés. Les deux plus robustes m'aident à me relever et essuient mon visage. Elles détestent quand nous cherchons à fuir. Elle pourrait te punir, et même t'enfermer dans les sous-sols si tu essayes encore, m'explique celle qui paraît la plus âgée, une jolie brune aux yeux noirs comme l'ébène. Crois-moi, il n'y a rien de pire que les sous-sols. Parfois, on n'en revient pas. Ne dis pas ça, hurle la petite blonde, des larmes plein les yeux. Mathilde va revenir, j'en suis certaine. Pendant un instant, les deux autres se regardent d'un air lourd de sens, puis baisse les yeux pleins de tristesse. Le lit de Mathilde est devenu le sien. Cela signifie qu'elle ne reviendra pas. Au fait, moi je suis Gamie, me dit l'autre brune. Une jolie fille aussi, un peu ronde. Et celle qui parle toujours pour ne rien dire, c'est Mélanie. La petite blonde fait la moue en entendant cette description. Et elle, c'est Agathe, continue-t-elle. Nous nous dirigeons vers le bâtiment. Agathe ne peut s'empêcher de poser la question qui brûle les lèvres. Tu es ici parce que tes parents sont morts dans l'incendie? J'ai entendu Miss Fairchild en parler. Je me contente de hocher la tête, trop épuisée pour en discuter. Miss Fairchild apparaît dans l'entrée, le visage sévère. Elle a un geste pour Miss Maïtena, qui s'empresse de me prendre par le bras et de me conduire à la salle de bain. Les trois jeunes filles prennent congé sans demander leur reste. Je ne parviens pas à fermer l'œil de la nuit. Ce lit n'est pas le mien, toutes ces personnes autour de moi me sont totalement inconnues. À la moindre somnolence, je revis le cauchemar du drame survenu quelques mois auparavant. L'odeur de la fumée, les flammes, les hurlements de papa et maman. Je crois avoir pleuré dans l'obscurité. Gaby, qui dort sur le lit d'à côté, me chuchote plusieurs fois dans la nuit. « Ça va aller, je veille sur toi. » Je mets des semaines à me résigner. Je me poste tous les jours face à la fenêtre, dans l'espoir insensé que tante Agathe regrette sa décision. À l'évidence, je ne lui manquais pas, car elle n'est jamais revenue. Je suis une orpheline en attente de ma nouvelle famille. Mais quelle famille? Voici bientôt un mois que je vis ici. Nous n'avons pas reçu la moindre visite. Ni moi, ni même Gaby, qui réside ici depuis 2 ans. Mais elle refuse d'aborder le sujet. La sonnerie stridente retentit. Chaque matin, c'est le même cérémonial. Avant le petit déjeuner, les 5 assistantes de Miss Fairchild nous transforment en de parfaites petites poupées. Elles attachent nos cheveux et les boucles au fer à friser, parent notre peau de porcelaine de rose, de bleu, de mauve et de rouge à lèvres écarlate, puis nous rajoutent des taches de rousseur pour renforcer notre aspect angélique. Nous ne portons jamais 2 fois les mêmes robes, et nos souliers sont vernis au point que nous pouvons nous voir dedans. Mélanie hurle de terreur chaque matin quand elle l'oblige à ôter ses lunettes et à les remplacer par des lentilles de contact. Tu es la seule à ne pas être parfaite. Il faut cacher ce défaut, lui dit Miss Fairchild. Ses assistantes expriment leur peine envers cette pauvre petite de 6 ans qui doit subir cette torture inutile. Mais personne n'oserait contredire la terrifiante Miss Fairchild. Après le petit déjeuner, nous assistons aux cours de bienséance et de maintien. Des règles de vie en société, comme la manière de se servir de ses couverts ou comment tenir sa tête droite en toutes circonstances. Ni mathématiques ni grammaire. Ce sont des futilités qui ne vous serviront à rien. Vient ensuite le moment libérateur de la récréation. Je m'amuse à déambuler ici et là et me perds dans les nombreux couloirs. Je tente de percer les secrets de ces lieux pleins de mystères. Oh, je n'ai aucun mal à échapper à la vigilance des assistantes. Il est presque impossible de surveiller 20aine de petites filles si semblables. Gaby voit mes escapades d'un très mauvais œil et ne cesse de me mettre en garde. « Ne va jamais au sous-sol, jamais, tu entends? Promets-moi de ne jamais te faire attraper. Dieu seul sait ce qui t'arriverait si Miss Fairchild apprenait ta désobéissance. » Je ne peux m'empêcher de rire face au visage joufflu et inquiet de Gaby. Une vraie mère poule. Bien entendu, ces mises en garde attisent encore davantage ma curiosité et mon envie d'explorer ce fameux sous-sol. Encore faut-il le trouver dans ce dédale de pièces et de corridors. Il est si facile de s'égarer. Je n'en suis que plus déterminée. Un après-midi, je suis près du but, quand tout à coup Miss Fairchild me découvre. Elle entre dans une colère noire et m'assène une gifle encore plus puissante que celle que m'a infligée tante Agathe. Sa main rugueuse est desséchée et laisse une marque indélébile sur ma joue. Elle me sermonne interminablement. Je croirais voir de la fumée sortir de ses oreilles et ses narines, comme les dragons des livres d'enfants. Elle ne cesse de fixer la trace de ses mains sur ma joue, visiblement plus ennuyée par cette empreinte que par ma désobéissance. Je suis punie des jours entiers, totalement isolée des autres. Mes compagnes d'infortune me manquent terriblement, mes parents encore plus. Je maudis ma curiosité. Je me surprends à regretter amèrement la déception causée à Miss Fairchild. Elle a acquis plus d'emprise sur moi que je ne le pensais. Grâce aux soins réguliers de Miss Maïtena, la trace sur ma joue s'estompe et finit par disparaître. Elle seule est autorisée à m'approcher pendant mon isolement. Elle semble inquiète de cette joue rougie et enflée et déploie tous ses efforts pour la soigner. Elle me traite comme si ma vie en dépendait. Je me moque d'elle. « Ce n'est pas si grave. »« Je ne suis pas de ton avis. je retrouve enfin mes amis et ma chambre. Je me promets de ne plus jamais m'aventurer dans les lieux interdits, même si je sais au fond de moi que tôt ou tard, je ne pourrai résister à la tentation. À quelques mètres du mien, un lit demeure vide à la nuit tombée. Au silence gêné de Gaby, je comprends qu'Éléonore ne reviendra pas non plus, comme Mathilde et tant d'autres avant elle. Gaby pense que son tour viendra bientôt. Veille sur Agathe et Mélanie quand je ne serai plus là. Je veux en savoir plus. Mais Gaby se mure dans son silence. 3 jours après, Gaby disparaît après les cours de cuisine de l'après-midi. Le lendemain, Miss Maïtena nous apprend qu'elle a trouvé une famille d'accueil et nous a quittés précipitamment pour vivre sa nouvelle vie. C'est un mensonge, bien entendu, mais je ne peux le prouver. Ces 2 derniers jours, Gaby semblait terrifiée. Sa disparition n'est pas un hasard. Le soir venu, je crois entendre des hurlements. Ils semblent monter des murs même de la bâtisse. Mélanie aussi entend ses cris. Elle se met à pleurer doucement. Je la rejoins dans son lit et la prends dans mes bras pour la protéger, comme je l'ai promis à Gaby. « C'est là-bas qu'elle nous emmène quand nous ne sommes pas sages, » me chuchote-t-elle entre 2 sanglots. « Je crois qu'elle y a emmené Gaby aussi. »« Où donc ?»« Au sous-sol. » »« Je l'ai vue emmener Mathilde quand elle a saigné en bas. »« Elle n'est jamais revenue. J'ai peur, Emma. » Elle se blottit contre moi en étouffant ses sanglots pour que personne ne l'entende. Les semaines passent, mais je n'arrive pas à oublier Gaby. Une petite fille qui lui ressemble énormément la remplace quelques jours plus tard. Elle aussi a perdu ses parents dans un accident, mais elle refuse d'en parler. En fait, elle ne parle presque jamais. Certaines nuits, il lui arrive de hurler dans ses cauchemars. Elle est plus terrifiée par Miss Fairchild qu'aucune de nous. Les seules paroles que je parviens à lui soutirer m'emplissent d'effroi. Elle les a tuées et je n'ai rien pu faire, m'a-t-elle avoué d'une voix gutturale. Ses yeux hagards semblent vidés de toute substance. La folie devient son unique refuge, et un soir d'orage, elle se jette du toit. Personne n'a compris comment elle était parvenue à se hisser si haut, ni pourquoi elle avait agi ainsi. Miss Fairchild la pleure des semaines entières. Pourtant, il n'y a ni cercueil ni cérémonie. Je ne peux m'empêcher de questionner Miss Maïtena sur ce qu'il est advenu du corps de la fillette. Elle me supplie de ne plus jamais en parler. J'obéis. Pour eux, je suis devenue une gentille poupée, belle, obéissante, parfaite. Cet orphelinat au décor idyllique est devenu ma prison. Tous ces secrets me terrifient trop pour que je tente de fuir. Que m'arriverait-il alors? Elle laisserait les chiens me dévorer, ou pire encore. Les jours, les mois, les années s'écoulent lentement. Je ne suis plus qu'une ombre parmi les autres. Je n'agis et ne pense que selon les enseignements de Miss Fairchild. Elle me montre sa fierté, ne tarit pas d'éloges sur ma beauté et ma perfection, et estime que je suis sa plus belle réussite. Elle n'a aucune idée de la souffrance que je m'inflige au quotidien pour paraître telle qu'elle me veut. Je cache ma féminité naissante avec des bandelettes serrées sur la poitrine et un corset qui me cisaille les hanches. Pourtant, je souris. Je suis son joyau et c'est tout ce qui compte à mes yeux. Mon enfance me paraît devoir durer éternellement. Un matin, tout bascule. Je me réveille dans une mare de sang. Je crois un instant que je suis en train de mourir. Mais je comprends peu à peu que mon enfance meurt dans ses draps. Je suis devenue une femme. Au sous-sol, je l'ai vue emmener Mathilde quand elle a saigné en bas. Elle n'est jamais revenue. Les mots de Mélanie résonnent dans ma tête et prennent tout leur sens. J'ai peur. Je laisse les autres filles quitter la chambre. Je tente de cacher ma détresse. Une fois seule, je bondis du lit. Je dois agir vite. Je change de pyjama et roule mon drap en boule avec la chemise de nuit souillée. Mon cœur bondit dans ma poitrine quand je vois Miss Fairchild debout dans l'encadrement de la porte. « Allons, petite Emma, pourquoi n'es-tu pas au bain avec les autres ?» Je tente de trouver une réponse cohérente, mais n'arrive pas à contrôler les tremblements de mes jambes. Je sens quelque chose de chaud couler le long de mes cuisses. Le sang goutte sur le carrelage blanc immaculé. Miss Fairchild blêmit, les larmes emplissent ses yeux. Elle ne prononce pas un mot, mais soudain son visage se durcit. Je suis terrifiée. « Maïtena, conduis-la en bas !» ordonne-t-elle d'une voix sèche. « Pardonnez-lui, supplie Maïtena. Je vais trouver une solution. » Mais Miss Fairchild fait la sourde oreille et renvoie Maïtena en cuisine. Elle m'emmène elle-même au sous-sol. J'aurais dû me débattre, tenter de fuir. Impossible. La poupée trop sage a appris à obéir, et rien de plus. Elle allume la lumière et referme la porte. La pièce est remplie de poupées, bien alignées sur d'immenses étagères. Des poupées de cire, grandeur nature, au sourire figé sur des boucles roses et parfaites. Leurs yeux sont vides, sans âme. D'un coup, toute la pièce se met à tourner. Je ne contrôle plus mes tremblements. L'une d'elles ressemble tellement à Gabi. Seigneur. N'aie pas peur. Les poupées vivent éternellement. La mort n'a pas de prise sur elles. Tu seras magnifique pour l'éternité. Comme elle est mignonne, cette petite fille. On a envie de croquer ses belles joues roses, de se perdre dans la verdure de ses grands yeux verts, et coiffer sans fin ses longs cheveux bruns. Une vraie petite merveille. Vous n'imaginez pas à quel point je vous envie. Cette voix me revient en mémoire. Miss Fairchild avait déjà fait une apparition dans ma vie. Trop furtive pour me marquer à cet instant. Car c'était un beau matin d'été quand je jouais dans le parc avec papa et maman. Son regard étrange m'avait enveloppée. Un regard de petite fille qui voyait la plus jolie des poupées dans une vitrine et qui voulait la voir à tout prix. Je comprends soudain que devant moi se trouve celle qui a assassiné mes parents. Mais il est trop tard. Quel dommage. Tu étais ma poupée préférée, dit-elle en approchant le scalpel de mon cou.